du nom de la galère. C'est ZRF, gros. Viens pas jouer le grand, car tu fais pas le poids. Appelle-moi ZRF nerveux ou crie en alerte, gars. C'est pour les frères qui traînent H24 sur le terre-terre, qui dort très tard et prennent du pipi-pi. Nique la chnouf et tout ce qui la sniff. À l'ancienne roule un gros spiff. Faut que tu kikikif. J'fuck tous les faux MC de la rue, moi j'suis issu. Viens pas me test, ça va finir à coup de sifu. Si si j'veux des sous-sous, mais ça sent cessu. Prendre le dessus car j'suis majeur et pas enlevé le dessous. Pour signer en major, j'porte pas d'or ni de tatouage, car c'est péché. Chez nous c'est le blanchissage d'armes de drogue et de billets. Bientôt le disque d'or refrais, j'suis venu tout niquer. Prends pas le sème si j'ai d'ambition. Si mon style on l'aime et fait du bruit jusqu'en prison. C'est pour les frôlons que j'clique sur ce putain de son. Pour ceux qui ont frôlé la zonzon. Prends pas le sème si j'ai d'ambition. Si mon style on l'aime et fait du bruit jusqu'en prison. C'est pour les frôlons que j'clique sur ce putain de son. Pour ceux qui ont frôlé la zonzon. 10 ans dans le rap, ça y est j'ai percé. C'est pour les refs-tons de bruyère à persant. Certains ont retourné leur veste, même si elle n'est pas réversible. Ton flow plus la merde, la peste, la pisse. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais qui je suis cousin. Je viens faire la bataille, la guerre, pour niquer les bâtards, les pervers. Je veux me démarquer, certains pisseux qui me sous-estiment alors que je suis trop puissant. C'est pour mes paresseux que j'écris ce poisson qui met la pression, qui est précis, précieux. Je suis pas un prétentieux, je suis venu tout niquer, prendre ma part de blé avec une grosse capacité que je viens poser pour les refrains des cités. Car le rap français, je vais le ressusciter. Prends pas le sème si j'ai d'ambition. Si mon style on l'aime et fait du bruit jusqu'en prison. C'est pour les frôlons que je clique sur ce putain de son. Pour ceux qui ont frôlé la zonzon. Prends pas le sème si j'ai d'ambition. Si mon style on l'aime et fait du bruit jusqu'en prison. C'est pour les frôlons que je clique sur ce putain de son. Pour ceux qui ont frôlé la zonzon. J'suis né dans le champ, pas dans le chou. J'suis chaud et violent contre l'état de ma banlieue. Transac la peu dans le vieux fer. Range ton arme à feu, trop on finit dans un creux frère. Depuis tout petit, j'kiffe la bagarre, les émeutes. Et encore plus quand un keuf mute. J'm'en prends que tu sois connu. J'en ai l'air gars, ça va faire mal quand j'vais cogner. Moi j'suis un guerrier, OP, cagoulé de la tête aux pieds. Même amoché à ma naissance, j'vais tous les blesser. Maintenant j'fais de la nuisance qui va tout baiser. C'est F1CIS qui va tout baiser. J'ai mon sommier, le sommeil, l'oseille, le sommet, le sauna, la sauna. Et le matin, le son de Hima. Rien de la galère, moha. Vas-y, détends-toi. Prends pas le sème si j'ai d'ambition. Si mon style on l'aime et fait du bruit jusqu'en prison. C'est pour les frôlons que je clique sur ce putain de son. Pour ceux qui ont frôlé la zonzon. Prends pas le sème si j'ai d'ambition.